Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines. C'est le temps des vacances et ils s'accordent une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 61 le 19 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 30 août prochain. Bonnes vacances!